Eh bien, je m'appelle Ken. Moi, le roller, pour moi, c'est une histoire avant tout de rencontre. J'ai voulu essayer le slalom parce que pour moi, ça me semblait accessible et je voulais pratiquer cet art-là, quoi. Mais c'est génial ce que tu fais. Moi, j'adore le roller. J'adorais enseigner ça aux enfants. Et moi, d'ailleurs, je connaissais rien du tout du slalom freestyle. Je suis dans une posture de gars qui un peu carnaval quoi. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Nous sommes le 5 janvier 2021. Bienvenue sur Balado Roller, le podcast en français sur le roller le plus écouté. Donc aujourd'hui, je reçois Ken Chalot. Donc Ken Chalot qui travaille notamment au skatepark du Hangar à Nantes. Donc Ken, tu fais du slalom freestyle. Tu as fondé ton entreprise en décembre 2012 et tu as rejoint la franchise Roule, initiée par Pierre Sella. Donc comme je dis, enfin moi je t'ai vu une fois. Une seule fois rapidement, là, comme on disait juste avant l'émission. C'était lors d'une randonnée roller à Nantes, là, la grande rando du jeudi. Et c'est vrai que tu dégageais une énergie, une aura ou un charisme, je sais pas trop comment expliquer ça. Et ouais, on sentait que tu étais vraiment heureux d'être sur tes rollers. Et puis ouais, voilà, donc on va voir si c'est le cas tout le temps ou si c'était juste. La fois où je t'ai vu, où tu me semblais être quelqu'un de particulier. J'aime bien les gens en général et je suis très heureux d'être sur mes roulettes, donc forcément j'étais dans le bon Eh ben oui, voilà, ouais. Ouais, alors donc c'est la première, tu es le premier vrai portrait de patineur que je fais sur le podcast. Donc tu as on va voir. J'ai Wow. déjà interviewé Céline. Céline m'a déjà interviewé du même genre. Mais toi, tu es le premier en Yes. dehors. Donc on va marcher un petit peu sur des œufs. On va découvrir tout ça ensemble, comment ça se passe. Et puis on verra ce qui marche pas après. Ok. Alors Ken, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Ken. Je fais du roller depuis l'âge de mes 13 ans. Et je suis professionnel depuis maintenant 8 ans. Je cumule plusieurs casquettes parce que je travaille donc comme tu l'avais dit au skatepark Le Hangar. Je travaille aussi à mon compte et puis j'ai des contrats un petit peu à droite à gauche, notamment avec la Fédé en tant que vacataire. J'ai plusieurs casquettes, mais j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me raconter donc rapidement comment tu as découvert le roller? Tu m'as dit. C'est une chouette histoire. En tout cas, enfin, j'adore raconter que moi, le roller, pour moi, c'est une histoire avant tout de rencontre. C'est les gens qui m'ont permis de progresser tant au niveau de la compétition que dans le milieu professionnel. À la base, je vivais dans un petit village qui s'appelle Montgeon-sur-Loire. Et moi, Ouais. bon, j'étais un petit peu tout seul à faire du roller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Montgeon, c'est assez vallonné. C'est pour ça qu'on appelle Montgeon. Et donc, j'ai appris à freiner très, très, très vite. Donc, ouais, au début, j'ai découvert le roller un peu par hasard. On avait des rollers dans le garage. Et puis, avec un ami, on s'amusait à sauter des cagettes en bois. Le plus loin possible. Bon, il y avait des fails hein. au début donc mais j'adorais ça, j'adorais être sur mes roulettes en plastique à l'époque hein. Oui. Et je les ai bien bien bien usées et du coup à la base enfin donc j'ai découvert le roller et j'étais musicien aussi en parallèle. Je faisais de la batterie. Donc j'avais un peu ces deux passions quoi. À l'époque, j'avais pas internet, donc j'avais pas accès à tout ce qui se faisait maintenant, bon, à savoir quelles étaient les disciplines et tout ça. Je savais que On pouvait faire de la course, de la rando, du hockey. J'en avais vaguement entendu parler du hockey. Ouais. Mais j'étais tout seul dans mon petit village avec les rollers et je m'amusais bien. Et après, j'ai déménagé à Angers et c'est là où j'ai pu avoir une connexion Internet. Du coup, bon, je faisais toujours de la batterie, mais du coup, je naviguais un petit peu sur Internet, savoir ce qui se faisait un petit peu en roller. Et là, j'ai découvert le slalom freestyle, enfin en tout cas le slalom figure. Et j'ai kiffé, je me rappelle toujours, c'était une fille qui était en compétition et qui faisait du slalom. Je trouvais ça hyper beau. Et je tombais juste, enfin direct amoureux de ce sport, quoi. Ah, Et pas la fille. non, Ah c'était une chinoise, un peu trop loin. oui, ah oui, effectivement, ça fait C'était un des... amour impossible. Ouais. Non, mais en tout cas, enfin j'ai voulu essayer le slalom parce que pour moi ça me semblait accessible et je voulais pratiquer cet art-là, quoi. Donc je me suis acheté d'autres rollers, pas du tout des rollers de freestyle. Je me suis acheté une paire de Mission. C'est une paire de hockey. Ouais. Mais avant tout pour le style, hein, parce que j'aimais trop ces patins-là et je les trouvais trop beaux. Et j'étais là avec mes petits cailloux, je mettais des cailloux un peu espacés n'importe comment et je m'amusais à faire du croisé avant, croisé arrière et je m'exerçais. Et en parallèle, j'ai découvert Compas Combo, c'était un site que dirigeait Guillaume Barbaz, qui est toujours d'actualité, qui montre un petit peu les différents niveaux de slalom. Donc j'essayais un petit peu des figures et je m'entraînais, je passais mon temps à faire ça et à faire de la batterie. Et un jour, l'histoire est un peu longue, hein, tu me coupes Ouais, mais si c'est jamais c'est trop. on a tout le temps qu'on veut, Ok. donc là c'est il n'y a pas de limite de temps, donc vas-y, n'hésite pas. Super. Et un jour, je rencontre, enfin, je fais du roller sur un parking, sur un centre commercial, et je rencontre une fille qui me fait, ah, c'est super, tu fais du roller et tout. Moi aussi, je fais du roller avec les loulous, j'apprends à patiner aux enfants. Et je me dis, mais c'est génial ce que tu fais. Moi, j'adore le roller. J'adorerais enseigner ça aux enfants. Et elle me fait, bah, je prends ton numéro. Si jamais il y a une place, et bah, je te fais signe. Je savais même pas que ça existait, en fait, les clubs de roller. En fait, Ah oui, et t'avais quel âge là à cette j'ai découvert le slalom à l'âge de 20-21 ans. Ah oui, donc Donc, ça faisait pas mal de temps que tu faisais déjà du roller, ouais. du Je roller, roulais. ouais. Moi, je faisais un petit peu de tout, mais je faisais aussi beaucoup de batterie, donc je pouvais pas faire les deux. Ouais. Et du coup, cette fille m'a rappelé. Elle fait, ouais, bon, le club, il cherche un entraîneur. Moi, je vais partir. Si ça te tente, viens, genre, regarder, voir comment ça se passe. Et j'étais surexcité. Je me disais, bah, ouais, j'ai trop envie d'y aller, ouais. Du coup, je me suis présenté un jour, un petit peu timide. Bonjour, je viens voir comment ça se passe, les cours de roller. Et je me rappelle, c'était un gars qui entraînait. Il me fait, bah, vas-y, prends le cours. Et je savais rien faire. Enfin, je savais pas enseigner. J'avais Oui. soif d'enseigner, de partager ma passion du roller, mais je savais rien faire, quoi. Et j'ai pris le cours en main et les parents étaient contents, le gars était content, le club était content. Alors, Du coup, le cours, c'était, il y avait combien d'élèves et ils avaient quel âge? c'était un cours de pitchoun, hein. Ils avaient, je dirais, de 8 à 10, 11. 8 Oui, à 10, d'accord. 11 ans. Et c'était un cours d'école de patinage, hein, basique, tu vois, savoir avancer, se diriger, tout ça, quoi. Et c'était, enfin, tout le monde appréciait. Je fais, bah, moi, j'étais surexcité, enfin, j'ai pas vu le temps passer et je me suis dit, bah, moi j'ai trop envie de faire ça, même en tant que bénévole, donner mon temps pour faire ça, quoi. Du coup, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné une section l'année suivante, ils m'ont dit, bon, bah, si tu veux te former, passe ton BIF, ton brevet d'initiateur fédéral pour enseigner Ouais. les premiers fondamentaux aux enfants. Et j'ai trouvé ça super cool parce qu'ils m'ont fait confiance dès le début, ils m'ont proposé une formation dès le début. Et c'était bon, c'était cool. J'ai passé mon BIF du coup, Ouais. mais j'ai passé un an à faire l'école de patinage au Loulou. J'ai surkiffé. Je me rappelle que toutes les semaines, moi j'étais électricien de métier, électricien et chauffagiste. Donc pendant que je travaillais, j'essayais de préparer mes cours pour que ça soit bien, parce que j'avais pas l'habitude de le faire en fait. Donc et je voulais que ça soit, je voulais que enfin, les loulous soient contents, etc., quoi. Ouais, et Donc, oui, donc là, tu as appris à préparer, c'est ça, à préparer tes cours et... ouais. Et donc, pendant un an, j'ai fait de l'école de patinage. Et puis après, bon, moi, j'aurais dit au bureau à l'asso, mais moi, ce que j'aime, c'est le slalom freestyle. J'aimerais bien apprendre à faire du slalom freestyle à ceux qui veulent, quoi. Et eux, connaissaient pas du tout, mais ils étaient chauds pour monter une section. Et moi d'ailleurs, je connaissais rien du tout du slalom freestyle. Je savais quelques figures, mais je voulais absolument transmettre ça Ouais. pour qu'on soit une petite communauté, quoi. Et donc j'ai monté ma section. L'année d'après, j'ai monté ma section freestyle. Donc il n'y avait pas que du slalom, il y avait du saut et tout ça. Ouais. Et donc j'ai kidnappé mes loulous de l'école de patinage pour leur faire découvrir cette discipline. Alors il y en a qui ont accroché, et il y en a d'autres qui ont moins accroché, mais globalement, de toute façon, c'était pour moi une continuité de l'école de patinage, dans le sens où l'école de patinage, on t'apprend des fondamentaux, donc c'est beaucoup beaucoup de techniques. Bon, il y a aussi beaucoup beaucoup de ludique, mais c'est beaucoup de techniques. Et pour moi, le slalom, c'était une continuité dans le sens où c'est aussi beaucoup beaucoup de techniques. Et du coup, on perfectionne entre guillemets ce qu'on a appris à l'école de patinage. Donc Ouais. ça avait une suite. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que le freestyle et le slalom freestyle? Enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Alors, le slalom freestyle, ça fait partie d'une des disciplines du roller, qui est le freestyle. Grossièrement, le slalom freestyle, c'est le fait de danser autour de plots et sur roller. On a des petits plots et le but, c'est d'enchaîner des figures de roller. Tout en étant en corrélation avec la musique. Alors ça, c'est le slalom figure. Et il Oui. y a aussi du slalom vitesse, où là, il faut passer des plots le plus vite possible pour aller le plus vite possible et puis pour faire Alors sa je discipline. suppose que le slalom vitesse, bah, celui qui gagne, c'est celui qui va le plus vite. Exactement. Alors, Voilà. il y a un objectif d'aller le plus vite et surtout de faire le moins de pénalités puisque bah, Oui. si on renverse des plots, forcément, ça fait des pénalités de temps. Et le slalom figure, c'est qui est-ce qu'il y a des juges pour juger comment on fait pour gagner? Alors, le slalom figure, je vous expliquerai un petit peu plus tard Ouais. sur le jugement, mais le slalom figure, alors, il y a une notion artistique, moi, qui me touche particulièrement. C'est-à-dire cette notion de fluidité, de présence, le fait de donner un peu de l'intensité au patinage, le fait d'être beau, de faire de la danse. Et il y a une notion, donc ça c'est une notion artistique, et il y a une notion aussi de technique. Ça veut dire que grossièrement, moins on est sur deux roues, plus on va faire de figures sur une roue par exemple, et bien plus on va gagner de points. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais donc me dire pourquoi c'est cette discipline que tu as choisie plutôt qu'une autre? À la base, j'étais pas prédestiné à faire une discipline de roller, en fait. Ouais. Ce que je t'expliquais à la base, c'est juste, je suis tombé juste simplement sur une vidéo de quelqu'un qui faisait, ça me paraissait vraiment beau et vraiment technique. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a attiré, le fait que ça soit beau à regarder, d'enchaîner, de jouer, en fait, de jouer avec les pots, de l'espace sans les faire toucher. C'est, ouais, c'est plutôt un sentiment de, ouais. sentiment de ouais, c'est beau, je veux faire ça. Ouais, alors moi C'est je te rejoins, fun. j'ai regardé donc pour préparer l'interview quelques vidéos de slalom, et effectivement, enfin c'est la façon d'avancer en fait. Moi je ne la comprends pas. En roller, pour moi, c'est un pied, on pousse avec un pied et puis ensuite avec l'autre. Et c'est vrai qu'en slalom, t'es toujours que sur un pied, voire sur une roue, et t'arrives à avancer, je sais pas comment, en faisant des flexions du genou, enfin je sais pas trop comment, et c'est vrai que Ouais, c'est c'est. ça. C'est des certaines positions de pied. C'est le fait aussi d'enchaîner des figures. Et puis c'est un peu du tricotage, mais il y a une espèce de magie dans le slalom pour des néophytes. C'est que on ne sait pas ce qu'il fait. On est incapable de dire ce qu'il fait. Et c'est ce qui m'a attiré en premier. On est incapable de savoir ce qu'il fait. Mais c'est beau. Il n'y a pas de répétition, ça s'enchaîne bien. Et c'est une espèce de petite magie quand même. Ouais, ah mais c'est effectivement, c'est vrai que c'est une petite magie, je confirme, hein, on ne sait pas comment. Moi, quand les vidéos que j'ai vues, je fais waouh, c'est les gens, ils prennent plaisir et en même temps, c'est super technique parce que moi, si j'essayais de faire ça, je sais que j'y arriverais pas, quoi. C'est Mais si, mais si. c'est comme tout en fait, il Il faut faut de la commencer par. pratique. Ouais, il faut Il beaucoup de faut pratique, quoi, c'est ça. de la pratique, mais c'est accessible à tout le monde, du coup. Oui. Puis c'est vrai Ouais. que il n'y a pas beaucoup de chutes, je suppose, parce que on voit pas très vite quoi en slalom. Ouais, c'est ça. Il y en a un petit peu, mais elles sont pas dangereuses comme certains sports, comme la vitesse, par exemple, ou la randonnée. Oui. Il y a c'est moins dangereux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de porter de casque pour les compétitions. Alors, pas besoin, je dirais pas ça. Je dirais que pour les débutants, je le recommande, les protections. Parce que bon, bah, c'est là où on apprend aussi nos premières chutes. Après, pour les confirmés ou pour ceux qui savent déjà faire un croisé avant, être à l'aise en arrière, tout ça, bah, en tout cas, c'est une discipline qui est autorisée en compétition sans casque et sans protection. D'accord, oui. Voilà. Est-ce que donc tu as des idoles en roller ou patinage? Alors j'avais des idoles quand j'ai Oui. commencé. Est-ce que tu veux que je continue mon histoire? Je t'avais dit, elle est Alors un peu on va la longue. reprendre après en fait l'histoire. J'ai Ça encore 2-3 questions, on la reprend après. marche. Alors ouais, quand j'ai commencé le roller, hormis la fille là, dont je t'ai parlé au début, j'ai découvert un gars qu'on appelait Monsieur Steel à l'époque. Et qui s'appelle Olivier Hérault. Maintenant, il fait plus trop de roller, il roulotte un petit peu, il est sur Barcelone, mais à l'époque, on l'appelait Monsieur Steel, et c'est pas pour rien, parce qu'il enchaînait, il faisait pas forcément de grosses figures techniques, mais il avait son style à lui. Et c'était un petit peu, ouais, c'était mon idole à l'époque. J'ai beaucoup de sources d'inspiration, diverses, bon, les Coréens, enfin aussi à l'époque Kim Sung-jin me laissait perplexe. Juan Lee aussi, mais c'est que des patineurs qui ont beaucoup de style. Maintenant, j'ai plus trop d'idoles, mais en tout cas enfin je sens que j'ai quand même une source d'inspiration qui est tirée de ces gars-là, quoi. D'accord, ouais. Mais donc maintenant, avec l'âge, t'as plus beaucoup d'idoles. C'est bien. Après, c'est un petit milieu. Il faut savoir que le Oui. roller, en fait, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et je vais en reparler après, mais en fait, les grosses figures du roller, ben en fait, ils sont très abordables et ça devient aussi des potes, quoi. Donc, les idoles sont pour moi des figures qui restent un peu inaccessibles. Alors que c'est pas du tout vrai dans le freestyle, quoi. Alors on arrive à la fameuse question que, que je préfère poser. En fait, moi, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du roller? En fait, ça dépend, des fois, ça dépend de ce que je fais déjà. Parce que quand je donne des cours, je suis plus tourné vers les autres. Donc, j'essaie plutôt d'amener un peu de bonne humeur, de joie, bon, à travers mon personnage, mais à travers les jeux. Enfin bref, je suis dans une posture de gars qui un peu carnaval quoi. Ça c'est pendant mes cours. Quand je fais mes propres sessions, quand je m'entraîne, ça dépend des sessions. Toutes les sessions sont différentes. Des fois, je vais avoir des sessions où je vais plus m'attarder sur la technique, donc je vais plus avoir une posture de performance où je vais être combatif. Après, si j'ai des sessions où je me fais plaisir, je vais plus être dans la recherche de ce que me procure la musique, de sentiments, et d'essayer de retranscrire la musique. Donc là, après, ça peut me transporter loin quand je suis dans ma bulle avec mon son. C'est comme si, je sais pas, quelque part, j'étais sur mes deux pieds sur un petit nuage et puis. Je laisse mes idées venir et je me laisse guider et c'est plutôt plaisant quoi. Comme Et sur un petit c'est. bateau. Ouais, et tu faisais de la batterie, Enfin, est-ce que tu t'as déjà composé tes propres musiques pour du slalom? Non, moi je faisais de la batterie donc je jouais pas d'instrument. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la batterie, elle m'a énormément apporté. Le rythme surtout. Parce que je suis quelqu'un qui adore la musique et je pense que c'est une relation sine qua non dans le slalom. C'est-à-dire que il faut avoir un niveau technique en roller et il faut aimer la musique pour pouvoir donner, faire, en tout cas, faire cette discipline et kiffer cette discipline. Donc, ouais, la batterie m'a apporté beaucoup parce que je me cale sur les temps et c'est comme ça que je kiffe slalomer avec la musique. D'accord. Allez, dernière question avant de revenir sur l'interview, enfin sur ton histoire. Un de tes meilleurs souvenirs en roller? Mes meilleurs souvenirs, il y en a eu pas mal. Je pense que en numéro un, je dirais que j'ai eu la chance de faire une fois le championnat du monde, malgré que j'étais pas sélectionné en équipe de France, et j'ai eu vraiment de chance de le faire. Et c'était un bon souvenir parce que pour moi, le roller, en tout cas cette aventure-là, ça a été je partais de très très loin et j'étais vraiment pas prédestiné à être sur cette piste-là. Et du coup, pour moi, c'était un bon souvenir. Quand je suis rentré sur la piste, je me suis dit, ah, j'ai vu tout en arrière, tout le chemin que j'ai fait. Et j'étais assez ému et content d'être là. Et j'ai un autre souvenir que j'aime bien. C'était en 2015 ou 2016, il me semble. En fait, il y a eu beaucoup de personnes qui me connaissaient et je me suis rendu compte que bah moi enfin eux me connaissaient mais moi je connaissais pas vraiment les gens. Et sur un coup de tête je me suis dit bon bah cet été je me fais un petit road trip où je vais aller voir les gens. Je vais aller faire toutes les villes, tous ceux qui veulent que je patine avec eux, bah je vais patiner avec eux. Donc c'était un road trip qui a duré 22 jours. Et à chaque jour, je changeais de ville. J'ai fait Ouais. 21 villes en 22 jours. Et bon, ça a été beaucoup d'organisation, mais et j'ai découvert les gens. Je voulais patiner une journée avec eux, les rencontrer, discuter même de tout et de rien pour les connaître à mon tour, quoi. Et c'était un bon souvenir parce que il y a des gens que je connaissais, mais ni d'Adam ni d'Ève, et qui m'ont contacté. Ouais, moi je veux que tu viennes et tout. Ok, bah, cool. Des gens qui faisaient même pas partie du circuit de compétition. Et du coup, j'ai bien kiffé. Psychologiquement, c'est assez dur parce que chaque jour, il fallait enfin, découvrir la personne, donc se placer, être en phase avec la personne. Mais c'était vachement enrichissant. Donc, ouais, je pense que c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Et chaque jour, tu voyais une personne ou tu en voyais plusieurs? Alors ça dépendait, des fois j'en voyais une, des fois j'en voyais plusieurs, ça dépendait en fait. Ça Enfin, c'est oui, dépendait mais des villes. c'était en individuel, je dirais, c'était pas en groupe. Enfin, c'était. Ouais. Bon, des fois il y a des groupes de 4, 5, 6 personnes Ah, d'accord. qui étaient là. Dans le sud, il y avait un club. Des fois je voyais qu'une personne. Bon, c'était assez différent tous les jours. Ok, bon alors, ouais, c'est des mais c'est une très bonne chose à faire de prendre du temps en fait et d'aller voir les gens. Je pense que bah, c'est ce que je fais un petit peu là avec ce podcast. Et puis, c'est ce qu'a Ouais. fait Mark Zuckerberg. Là, on enregistre donc on est le 5 janvier et bah, c'est le moment Ouais. des bonnes résolutions. Et c'est ce qu'avait fait Mark Zuckerberg, là, le PDG de Facebook. Tous les ans, il prend des super résolutions. Et il y a une année, il avait Ouais. dit, je vais marcher, je vais aller voir tous les États des États-Unis, ou la moitié au moins, et je vais discuter avec les gens, voir ce qu'ils disent. Ben, je pense qu'on a eu la même approche en fait, dans le sens où quand je te disais que le roller, tu vois, ça a été accès, enfin les gens sont accessibles, et je me suis dit, moi c'est dommage que je puisse pas les connaître, parce que c'est aussi grâce à eux qui j'ai pu faire plein de trucs. Et quand tu disais, tu vois, j'ai une aura, c'est, je pense que c'est les rencontres que j'ai fait, en tout cas les rencontres m'ont amené à faire plein de choses. Donc d'une certaine manière, j'ai voulu un petit peu remercier ces personnes-là. Ok. Et eh ben on va reprendre le fil chronologique là. Et tu me disais donc là qu'il fallait que tu passes ton bif, c'est ça? J'ai passé mon bif, et après j'ai monté ma section slalom, tu sais, comme je te disais. Oui. Alors attends, Et est-ce qu'on peut revenir sur le bif? Comment tu. Est-ce que c'est toi qui te l'es payé? Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Comment tu fais les démarches? Est-ce que tu t'es entraîné ou c'était comment ça se passe? je me souvenais plus à l'époque combien de temps ça a duré, mais en tout cas c'est le club qui m'a payé cette formation. Je saurais plus te dire le prix. Il me semble que c'est autour de 500 euros, mais ou un petit peu moins, quoi. Ah, enfin, je sais plus. Je veux pas te dire de bêtises. Tu Ouais. couperas. Non, mais les gens qui, enfin, voilà, ok, on a une idée du prix. Non, mais je pense que c'est moins cher. Enfin, en tout cas, il y a des financements aussi. Mais en tout cas, c'est le club qui m'a payé la formation. Et donc grâce à cette formation, j'ai pu avoir des outils en fait pour entraîner et savoir comment déjà synthétiser un petit peu les méthodes d'apprentissage, savoir que bon, il y a cinq fondamentaux, que faut les découper à telle période, faut commencer par ce fondamental, et puis ça m'a donné une structure d'entraînement, je trouve. Pour de l'école de Ouais. patinage qui est pas mal. Moi, je recommande à faire cette formation pour les Elle dure combien de temps pour les cette bénévoles. formation? Il me semble que c'est 2 ou 3 week-ends de formation. Pas très long. Ok. Ouais. Et donc j'ai eu mon bif. Et j'étais très content. Et du coup, bon, j'ai monté ma section. Slalom, et le club a voulu, il me faisait confiance, et il voulait me former toujours, donc ils m'ont payé ma formation BEF, ils m'ont proposé une formation BEF, donc c'est brevet d'éducateur fédéral, donc c'est un diplôme de bénévole aussi, mais qui est plus orienté vers les disciplines en particulier. C'est-à-dire que bon, si on fait du hockey, on va t'orienter vers un BEF hockey pour apprendre les bases du comment apprendre les bases du hockey. Et moi, c'était du coup un BEF freestyle qui se montait. Et donc j'ai fait ce BEF que je n'ai pas eu. Ah mince! Comment ça Ouais, se fait que que tu l'aies je. pas eu? Ah, je pense que je manquais à l'époque de maturité. Tu sais, je te disais en fait, je voulais apprendre à faire du freestyle, mais en réalité, j'y connaissais pas grand chose. Donc, je pense que je manquais de connaissances dans le milieu, et puis aussi de maturité dans cette discipline-là. Il me fallait, je pense, un petit peu plus d'expérience. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Au moins, ça m'a donné les billes. Et puis, puis tu verras après que je me suis pas arrêté là. Et donc, bon, j'ai continué dans ce club-là. Et puis, une deuxième année, et puis une troisième année. Et au cours de la deuxième année, il y a un membre du bureau qui me dit, hey Ken, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a le sélectionneur d'équipe de France qui passe pas loin de chez toi. Ça te dirait de faire un stage? Et j'étais méga chaud. Et c'est une anecdote marrante parce que moi, à l'époque, je vivais avec ma copine, elle avait besoin de la voiture. Et c'était à Saumur, donc c'était à 80 bornes d'Angers. Et j'ai fait, mais tu m'emmènes en voiture, je me débrouille, je prends ma tente, mais je vais le faire ce stage. Parce que pour moi, d'être avec le sélectionneur d'équipe de France, tu vois, j'allais apprendre des choses et puis bah c'était pas n'importe qui quoi. Oui. Parce Parce que j'arrive au stage avec ma tente alors et attends, ma comment ouais. tu faisais avant pour apprendre, justement? Je te disais je m'entraînais, je regardais des vidéos et puis je regardais Compa Combo. Ah oui, c'était ça, oui. Ouais. C'est un site qui apprend les bases, qui est quand même bien fait, qui t'apprend les bases du slalom, en tout cas toute la technique de base. Et je regardais, j'essayais de faire des vidéos et j'apprenais en fait avec ça, avec des vidéos. Bon, je pense que maintenant tout le monde fait ça. Oui, Bon, beaucoup mais de à gens fait l'époque, ça. il n'y en avait peut-être pas beaucoup qui le faisaient. Ouais. Ouais. Et du coup, pour l'anecdote marrante, j'arrive au stage. Donc c'était Pierre Sella qui accueille ce stage. Et là, il me voit arriver avec ma tante, avec la voiture. Ma copine repart avec la voiture. Je fais salut, c'est Ken. Je suis là pour le stage et tout. On en reparle des fois avec Pierre et il me dit mais j'ai vu. Mais en fait, pour moi, c'est deux extraterrestres. Moi, je le prenais pour un extraterrestre parce que je me dis, ben, ça a une pointure, ce gars. C'est un mec hors du commun. Et lui, je pense qu'il me prenait pour un extraterrestre dans le sens où il me voit, mais hyper motivé avec ma tante. Et ouais, je pense que je suis passé pour quelqu'un d'un peu fou. J'ai fait ce stage-là et j'ai vu des personnes, mais pour moi, ils avaient le niveau de l'équipe de France. Je voyais des trucs de ouf. J'avais mon petit cahier, je notais tout. Et c'est cool. Enfin, en tout cas, j'ai adoré ce stage. Et depuis, donc, j'ai fait à la rencontre de Pierre Sella, donc, qui était le sélectionneur d'équipe de France. Et après, je l'ai suivi un peu partout. J'ai fait plein de stages. Peu importe les kilomètres, je faisais des kilomètres pour faire ce stage. Donc ouais, j'en ai fait un peu pas mal des stages. Je l'ai un peu suivi partout. Il devait, ouais, bah, Mais il devait être du content, il coup, avait. ouais, mais en même temps, on tissait aussi à des liens. Puis moi, j'étais content parce que j'apprenais des choses et que je pouvais aussi retranscrire à mes petits loulous. Donc c'est cool, quoi. C'est vrai que là, Et t'avais au donc, moins un vrai retour, hein. Ouais. ouais, c'est ça. J'ai vendu après mes deux batteries là pour m'acheter une vraie paire de rollers freestyle en carbone. Ah. Et j'étais super fier avec mes rollers freestyle en carbone. Donc j'ai arrêté la batterie et je me suis mis à fond dans ça. Comme le club me faisait confiance, ils avaient une salle privée et j'habitais pas loin du club. Et bah tous les soirs j'y allais pour m'entraîner tout seul dans la salle et je m'acharnais sur des choses, quoi. Ah Et oui, j'étais mais ça, content. c'est pas donné à tout le monde en fait d'avoir la chance de pouvoir accéder à une installation. En plus, enfin, c'était pas en extérieur, quoi, c'était vraiment en intérieur, donc tu peux y aller quand tu veux. Ouais, c'est ça. Et C'est c'est vrai ça. que là, Puis... t'as dû en bouffer des heures de patinage. Ah bah ouais, puis ouais, j'avais la chance d'avoir cette salle-là qui était chauffée, j'étais tout seul, j'avais le terrain lisse et plat, c'est tout ce qu'il me fallait. Ouais, je me suis acharné. Je me suis beaucoup acharné sur des figures. Et je rentrais chez moi, j'étais content d'apprendre des choses. Et donc bon, le temps passe et puis un jour Pierre me dit mais tu sais que je passe aussi des diplômes professionnels. Bah, si ça te tente, viens passer ton CQP, quoi. Et je fais, ah ouais? Bah ouais, bon, moi, l'électricité, j'aime bien ça, mais prof de roller, ce serait bien. Du coup, j'ai passé mon CQP que j'ai eu. Et du coup, en parallèle, j'étais aussi bénévole à la Ligue depuis le début. Alors, Enfin, le depuis. CQP, c'est un diplôme de sécurité, c'est ça? S'il y a le Alors, feu ou autre? non, alors ça c'est le Non. SIAP. Ah, Le c'est le SIAP, pardon. CQP, ouais. Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle de roller freestyle. En fait, c'est le Ah tout premier diplôme professionnel pour encadrer dans ta discipline ou dans le roller en d'accord. général. En fait, ça te donne le droit d'encadrer contre rémunération. Et puis, c'est aussi, ça te forme, tu vois, c'est un diplôme, tu fais 5 semaines de formation, et puis c'est reconnu par l'État. Donc, j'ai fait ça, donc j'ai quitté mon travail, je me suis mis au chômage, j'ai payé ma formation. Coûtait à peu près avec les déplacements, hein, ça coûtait 3 000 euros avec les Ouais. déplacements, l'hôtel, tout ça. Mais alors, c'est. Attends, attends, parce que. Comment t'as pris la décision? Parce que avant, comment tu faisais? Tu vivais de quoi? T'étais chauffagiste, c'est ça? J'étais électricien, j'ai Oui. passé un BEP en électricité et j'ai bossé un petit peu, et puis après, je me suis orienté vers les énergies renouvelables. Donc plus dans les chaudières fuel gaz, les pompes à chaleur et tout ça. Donc D'accord. Et il y a j'étais un moment dépanneur. où tu te dis, maintenant, je vais devenir professionnel du roller ou. Non, en fait pour moi ça a été une opportunité, l'opportunité de pouvoir voir autre chose, un autre métier. Ça faisait un petit moment que j'étais dans le bâtiment, ça faisait 6 ans que j'étais dans le bâtiment, donc c'était pas un pari, mais je voulais avoir une année ou deux pour tester, pour voir ce que ça faisait de faire cette formation-là. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, je savais pas si ça allait le faire ou quoi, mais bon, j'ai tenté. Ouais. Et donc là, t'avais quel âge à peu près? J'ai passé, alors, il y a 8 ans, donc j'avais 24-25 ans. D'accord. Et en parallèle, ce que je te disais, il y avait un poste à pourvoir, enfin, un poste d'élu bénévole à la Ligue. Donc la Ligue, c'est un organe déconcentré de la fédération qui développe des projets pour ta discipline. Et il y avait un poste pour le freestyle, donc. Depuis mes débuts dans le club, j'ai été élu pour développer avec Thierry Ménard. J'en reparlerai par la suite. Et donc on a été élus tous les deux pour développer des petits projets en roller. Ouais. Donc là, c'était la petite parenthèse pour te dire que bon, à l'époque, j'étais pas mal bénévole. Je faisais du bénévolat. J'avais mes deux créneaux, l'école de patinage plus le freestyle. Plus la ligue, et à l'époque j'avais aussi mon taf, donc ouais, ça me prenait quand même pas mal de temps. Ouais. Donc après, quand Pierre m'a dit bah vas-y, passe ton CQP pour pouvoir prétendre à une rémunération, en tout cas pour moi, ce que je voulais, c'était plus apprendre plus des méthodes de pédagogiques d'encadrement dans ma discipline. Et donc j'ai fait ce CQP. Je l'ai eu en 2013. Et c'est l'année où j'ai monté ma boîte qui s'appelait à l'époque Funride. Voilà, cette boîte a duré un an. Hein. D'accord. Funride. Donc je me suis mis à mon compte et puis je faisais quelques prestations, mais c'était pas ouf. Parce que Ouais. quand tu te mets à ton compte, bon bah il y a tout un tas de choses à faire autre que l'encadrement et être sur ses roulettes. Et à la suite de ce CQP, Pierre, lui, il avait une entreprise qui s'appelait Pierre de Glisse. Et il m'a proposé de travailler avec lui, avec un autre collègue aussi, Gwen, et qu'on se mette tous les trois et qu'on se développe un peu un réseau de moniteurs. Et j'étais hyper chaud parce que je savais que Pierre était carré, je lui faisais confiance à 100%, et c'était une personnalité dans le milieu, donc c'était pour moi encore une fois une opportunité de pouvoir progresser, d'en apprendre et puis aussi de travailler en équipe, c'était super important. Et c'est cette année-là où j'ai je suis on a monté Roule, enfin Pierre a monté Roule, mais on a commencé avec Roule ensemble quoi. Alors, Roule, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est une entreprise ou c'est quoi? Alors Roule, c'est comme je te disais, c'est une franchise, c'est un réseau de moniteurs. Simplement, en fait, tu as un franchiseur qui est Pierre. Pierre, c'est là, qui a son compte. Et autour de cette franchise gravitent des moniteurs, des éducateurs, qui sont eux aussi à son compte. Donc simplement, si on n'a pas de travail, le franchiseur il a zéro aussi et puis nous on a zéro aussi. Donc c'est une manière aussi de d'insuffler une dynamique de groupe, en tout cas une émulation de groupe pour pouvoir développer cette marque-là quoi. Et donc Roule, c'est une entreprise de prestation de roller. On fait des cours de roller, on fait des on monte des villages dans lesquels on fait des initiations, des spectacles. Bon, il y a de l'événementiel, il y a des cours. On est plus spécialisé dans le freestyle pour le moment, sur le slalom, sur le street. On a chacun, en fait, je pense, on a chacun notre particularité, en tout cas notre domaine d'expertise dans cette franchise-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on travaille pas tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent tout seul, qui montent leur boîte tout seul, et le fait d'avancer à plusieurs, bah on se donne des billes pour on s'entraide en fait, et ce qui est la clé pour aller plus loin. Comme Alors, dirait un grand un grand philosophe, Pierre philosophe, Cella, Pierre tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cella. Et alors, tu, il y a des bureaux, vous voyez dans des bureaux ou comment sont les relations avec tes, je sais pas, on peut même pas appeler ça des collègues, c'est avec tes confrères, on va dire. Ouais, Ouais, en fait, en fait. c'est plus que des collègues parce que ouais, c'est une grande famille. Déjà, à la base, le roller, c'était une grande famille, mais cette entreprise, c'est une entreprise un peu familiale, ouais, je trouve. Comment ça se passe? Eh bien, chacun est dans sa ville. Et enfin moi on est deux à Nantes, donc on est deux personnes, mais en tout cas chacun est chez soi, et on s'appelle souvent, alors soit pour prendre des nouvelles, soit pour parler du taf, mais on se fait des réunions Skype assez souvent, on met en place des outils pour se partager des choses assez souvent, on se fait des séminaires pour discuter des projets à venir, on fait tout un tas de choses ensemble pour permettre justement de garder cette dynamique-là. Et tous les ans, vous faites une réunion tous ensemble ou quand est-ce que vous voyez vraiment en physique? Alors déjà, on a un séminaire tous les ans, ce qui nous permet de se réunir, de faire un petit peu le tour de ce qu'on a fait cette année, de ce qu'on fera l'année prochaine, et puis aussi de développer la marque roule, d'organiser aussi des événements, de faire des choses comme ça. Donc ça, c'est minimum une fois par an. Après, on est amené à se voir assez souvent parce que, bon, comme je te disais, c'est une grande famille, donc on se voit régulièrement. Chacun, peut-être pas tous ensemble tout le temps, mais on se voit. Des fois, je vais voir un collègue, après, je passe une semaine avec un autre. Voilà. Ouais. Et géographiquement, ça se, c'est où roule? Enfin, où est-ce que vous êtes répartis dans toute la Principalement France ou c'est plus dans centralisé? l'ouest. Ouais. Il y a un an, je t'aurais dit de Brest à Toulouse. Bon, Oui. maintenant, on a une personne patineuse qui a d'autres projets professionnels, donc celle de Brest est partie. Mais en tout cas, c'est tout l'ouest. Il y a Nantes, Niort, La Rochelle, Toulouse. Donc, ouais, principalement dans l'ouest, je dirais. D'accord. Donc bah vas-y, continue. Donc Donc après je disais, j'étais donc en parallèle très impliqué dans le milieu bénévole avec la Fédé et puis les clubs, et j'ai eu mon CQP et j'ai vu passer une annonce en interne dans la ligue du skatepark Le Hangar cherchant un CQP de roller freestyle, et au début j'ai pas trop prêter attention parce que j'étais plutôt focus sur mon entreprise. Mais Alors, ton donc j'ai entreprise, c'est-à-dire que ton entreprise, c'est toujours celle qui, pas Funride, t'en avais créé une autre entre-temps? c'est ça, c'était Funride. J'étais plutôt focus sur ça. Oui. Et puis après, il y a eu la proposition de Pierre pour Roule. Mais j'étais plutôt focus sur comment chercher à développer mon activité. Donc, Oui. je voulais pas. Alors, je sais pas si inconsciemment je voulais pas que ce soit un frein, mais en tout cas, j'y ai prêté pas attention. Et ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que quand ils ont publié ça, quand ils disaient qu'ils cherchaient un CQP de roller freestyle, eh ben, il en existait que trois en France. Parce que c'était le premier, j'ai fait le premier diplôme de CQP. Donc, il y en avait une sur Paris, moi j'étais sur Angers, et il y en avait un autre sur Toulouse. Donc, moi j'y prêtais pas attention. Après, je pense qu'ils pouvaient prendre un BE ou, mais c'était à l'époque des contrats d'avenir, donc, je pense qu'ils cherchaient ce diplôme-là pour faciliter un petit peu les embauches et puis les subventions de l'État. Mais en tout cas, j'étais pas trop stressé à l'idée de faire cet entretien-là. C'était pas trop déterminant pour moi à l'époque, quoi. Donc, j'ai eu un collègue à la Ligue qui m'a dit, ouais, tu devrais tenter tout ça. Bon, du coup, j'ai envoyé une candidature, un CV sur, j'avais quand même un peu d'expérience en bénévolat, le fait que je sois à la Ligue et puis que je fasse mes petits cours. Et donc, à l'époque, pour l'anecdote, j'y étais en béquille parce que je me suis fait une fracture du tibia et j'étais à l'entretien du parc. J'avais dit, mais si, je vous assure, je vais faire du roller. Ouais, ils m'ont pris et là, ça a commencé. Donc là, j'ai vraiment senti que j'étais vraiment dans le domaine, dans le sport, dans j'ai senti j'étais vraiment éducateur et que c'était parti quoi. J'avais au moins une sécurité d'emploi quoi. Et donc j'ai continué. En parallèle, j'étais aussi compétiteur et j'avais aussi la niaque quoi. Je Alors voulais attends, ouais, donc là tu alors t'étais au skatepark Le Hangar, tu nous as pas encore expliqué ce que c'est. Tu étais en même temps sur Roule et en même temps tu faisais de la compétition. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc J'avais, ça je fait. gardais, je, ouais, ça faisait pas mal Et de. le skatepark c'est combien d'heures par semaine? Le skatepark, à l'époque, j'étais embauché à mi-temps, j'avais un 24 heures par semaine. Et je faisais beaucoup d'écoles de patinage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on choisit d'être éducateur, la plupart du temps, c'est parce qu'on aime une discipline en particulier, enfin, en tout cas, dans le roller. Et quand on est éducateur, bon bah 80% c'est de l'école de patinage. On fait beaucoup d'écoles de patinage et on fait un petit peu de notre discipline à nous. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai été bon, embauché au skatepark, bah le skatepark c'était pas du tout ma discipline de prédilection. Les rampes, les grosses, les gros plans inclinés, les grosses cascades, comme il dit les jumps, bah c'était pas du tout, c'était pas du tout ma discipline de prédilection. Donc bon, j'y étais un petit peu au bluff, mais grâce à la formation CQP, j'ai su aussi enseigner, parce qu'on avait il n'y avait pas que du slalom freestyle, on était obligé d'aborder un peu toutes les disciplines du freestyle, et notamment comment se déplacer sur un skatepark, comment apprendre à faire des rotations, tout ça. Donc grâce à ces cours-là, bah, j'ai pu donner des cours à des cours de allez d'initiation de skatepark. Mais je me rappelle, j'avais les chocottes quand j'ai été au skatepark. Bah, il fallait que j'ai une certaine street crédibilité, quoi. Donc fallait que je sache descendre toutes les hangars, enfin toutes Les plans les inclinés, modules là, du les... hangar. Donc je me suis mis un petit peu des... Mais au skate... En fait, quand tu es au skatepark, tu donnes des cours, tu expliques aux gens comment faire en roller, c'est ça, pour descendre? Ouais, c'est ça. Donc le but c'était d'apprendre donc comment se déplacer déjà sur des modules, avoir les bases, les principes de sécurité, comment bien se tenir pour pas se faire mal, et puis comment enchaîner aussi, franchir les modules, comment aussi pratiquer les calages, tu sais, les slides, le fait de glisser sur les sur les rails, comment faire des petites figures en roller, c'est-à-dire les rotations, comment tourner en saut par exemple. Donc je faisais les bases, en fait. C'était vraiment de l'initiation, ce que je faisais là-bas. Oui, enfin c'est ça. En fait, t'as pas besoin d'avoir un gros niveau, mais il faut quand même assurer un minimum. Ouais. Mais alors moi, ce qui, parce que j'ai l'impression, moi j'y suis allé hein, au skatepark du hangar, et il y a énormément de trottinettes, de skates, et il y a très peu de patins, quoi. Ouais, à la base, moi quand je suis arrivé en 2013, il n'y avait pas du tout de trottinette, il n'y avait pas eu cette hype-là. Il y avait beaucoup plus de rollers, il y avait vraiment une team roller et une team skate et une team BMX. Il y avait beaucoup plus de rollers. Alors je ne sais pas si c'est les trottinettes qui ont fait un peu fuir enfin, cette chose-là, ou le fait qu'il y a moins d'engouement pour le roller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la trottinette a orienté la pratique du freestyle sur le fait que bah, c'est plus accessible de faire de la trottinette. Donc, entre le choix de galérer un petit peu au début au roller et de faire de la trottinette, où c'est tout de suite, on peut descendre des plans inclinés tout de suite en trottinette, ça, je pense que ça a orienté le choix de faire cette discipline du freestyle. Ah ben je pense aussi, hein, pareil que pour le BMX, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on sait faire du vélo ou de la Ouais. trottinette, enfin c'est très facile. Que le roller et skate, faut déjà galérer beaucoup plus avant d'y Ouais. arriver, quoi. Donc Ouais, moi forcément, comme on. j'ai fait du BMX. Je me suis cassé la margoulette, comme dirait ma grand-mère. C'est pas facile, hein. Oui, mais bon, une fois qu'on sait faire du vélo, je veux dire, voilà, Ouais, c'est ça. C'est plus c'est voilà, on a les, accessible. on sait tenir sur un BMX, quoi. Après, bon, faut un Ouais, petit peu c'est plus de ça. temps pour le plan incliné, mais je veux dire, c'est vrai que les jeunes, bah, on le voit, enfin, plus on est jeune, moins on peut, on passe de. On a On plus arrive à se d'appréhension. focaliser longtemps sur une chose. On passe souvent d'un truc à un autre, quoi. Et donc moi, je le vois dans les jeux de société. Les jeunes, ils peuvent pas faire des jeux de société qui durent plus d'un quart d'heure. Ouais, C'est c'est très ça. difficile pour eux. Donc il faut qu'ils passent à autre chose. Donc c'est pour ça, se prendre le temps d'apprendre à faire du roller, bah, je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, voilà, c'est Ouais. pas tout le monde ne prend pas le temps, sachant qu'il y a la trottinette à côté ou le Je pense que BMX. ce qui prédomine en général dans l'initiation, C'est le côté ludique et le alors il y a ça et il y a le la réussite. Si les pratiquants se placent dans une situation de réussite, et ben tout de suite ça donne envie d'en faire et de continuer. Et il y a aussi le fait que ça soit ludique. Parce que si on prend du plaisir à descendre des rampes, c'est un peu ludique. On prend du plaisir à faire des jeux. Et du coup, ça donne envie aussi de continuer. Et ce que je dis souvent quand des fois je parle à des éducateurs qui sont un peu tout nouveaux dans l'encadrement, ce que je leur dis, bah, il faut du jeu et il faut qu'ils réussissent tout de suite. Pour donner envie. Mais c'est les clés de l'apprentissage, quoi. Ah oui, bah, c'est bien. C'est au CQB que tu as appris ça ou... C'est au CQP, c'est les formations. Après, j'ai eu la chance de partager aussi, enfin en tout cas d'échanger avec Pierre et il m'a appris beaucoup de trucs, beaucoup de choses, donc que j'essaie aussi de transmettre. Un peu à ma façon. Et alors, tu préfères apprendre toi ou apprendre aux autres? Ah, c'est deux choses différentes. Tout à Ah, fait, tout à fait. je pourrais pas quantifier ces deux choses-là parce que c'est pas du tout le même plaisir. Et pourtant, je prends du plaisir dans les deux pratiques. Je prends du plaisir parce que je m'amuse à dans les cours, je m'amuse. Quand je te disais c'était carnaval, bah pour moi il y a un sentiment de bonheur quand, en tout cas de joie quand je transmets. Mais quand je pratique, c'est plutôt une intensité, c'est un sentiment qui n'est pas de la joie, c'est du ressenti comme si on se sentait, je sais pas, puissant quand je roule pour moi, je trouve. La fierté peut-être ou le... Pas Je... non. de fierté parce que c'est plutôt, je sais pas comment dire, mais c'est comme. C'est des sentiments comme si t'écoutes de la musique, c'est ça te procure des Oui. frissons. Oui. Et ben c'est pareil en roller. Je n'irai pas jusqu'à ce que ça te procure des frissons, mais en tout cas, c'est un peu la même sensation. C'est pas de la joie, mais c'est du bien-être. D'accord. Ok, bah alors on va revenir donc à ton triple emploi du temps. Ouais, donc j'étais bénévole, je continuais à être bénévole à la ligne pour développer des projets. Oui. Et donc j'étais à mon compte et j'avais le hangar. Et en parallèle, j'étais aussi compétiteur. J'ai passé un diplôme de juge pour aussi juger des compétitions. Donc bon, j'étais comme je te disais, j'étais un peu même avant vacataire, donc quand tu juges des compétitions, t'es un peu défrayé. Donc c'est Ouais. aussi une source de rémunération qui n'est pas négligeable, parce que ça fait partie de ton métier. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Et puis aussi d'échanger, d'avoir aussi ce statut de d'un peu, alors même si à l'époque je me sentais pas expert, mais je me sentais un peu légitime de pouvoir juger des compètes et puis encadrer des cours. Oui, bah, disons, c'est sûr, si tu es juge, là, t'as déjà le point de vue qu'il faut avoir pour préparer ton slalom et enfin savoir ce qui va être sur quoi il faut travailler, quoi. Donc, t'as Ouais. toute la légitimité pour préparer tes cours. C'est sûr que là, je pense que... Ouais, mais à la base, j'ai pas voulu faire le diplôme de juge et on m'a encore poussé à faire cette chose-là, me diversifier, tout ça. J'ai parlé de Thierry Ménard à un moment donné, mais Thierry Ménard, c'est une personne qui a été très très importante pour moi, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, et qui m'a beaucoup poussé à bah, dans mes dans ce métier-là, à faire à me diversifier, faire plein de choses. Il m'a aussi poussé à faire des compètes, il m'a emmené un petit peu partout, donc ça a été mon C'est petit bien. papa du Ouais. roller freestyle, et ça l'est toujours, et c'est notamment grâce à lui que j'ai passé ce diplôme de juge. Voilà. Et alors, juste, c'est tu, il y a, c'est quoi? C'est national, c'est international ton diplôme? Alors c'est national, c'est un diplôme de juge pour juger. Au début Ouais. c'était que les starters, donc le premier niveau de compétition. Et puis au fil du temps, je pense que les gens m'ont fait confiance. J'ai jugé des compétitions qui étaient un peu plus importantes sur le plan national. Il y a combien de compétitions en France tous les ans? Il y en a entre 30 et 40 sur le calendrier national. Bon, avec le Covid là, Oui. il n'y en a plus du tout. C'est sûr. Et il y a combien de juges par compétition? Alors ça dépend des compétitions, hein. Je me suis vu juger des compétitions tout seul sur des compétitions starter. Donc c'est le premier niveau de compétition. Après, donc nous on a des compétitions sous forme d'étoiles. Donc il y a une étoile, c'est ce qui équivaut à des compétitions un peu régionales. Et deux étoiles, c'est des compétitions nationales. Et après, il y a le championnat de France. Donc il y a plusieurs niveaux de compétition. D'accord. Ok. Et donc, ouais, alors, et comment tu me disais que tu te préparais aussi, toi, à la compétition. T'en avais déjà fait, t'avais déjà des classements, t'avais eu. Comment tu faisais pour te préparer à la compétition? Alors je m'entraînais encore, je m'entraînais tout ça, et je continuais à faire des stages, hein, parce que je pense que le fait qu'on ait aussi un regard extérieur, ça t'aide beaucoup à faire de la compétition. Du coup, je faisais quelques stages, pas beaucoup, mais j'en faisais quelques stages avec Pierre. Je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup tout seul parce que je savais ce qui était demandé en compétition. Donc je faisais un peu tous les niveaux de compétition, des Coupes de France, des championnats de France, Et et donc, j'ai eu t'as la été ch classé. T'as eu quoi comme palmarès? ouais, j'ai eu 2 fois vice-champion de France des vieux. Après c'est tout récent, mais j'ai pas eu beaucoup de palmarès. Le niveau était assez exigeant, et je me suis fait connaître pas pour mon niveau technique, mais pour mon style de patinage. Tu vois, tu disais tout à l'heure que beaucoup de personnes me connaissaient, mais on me connaissait pas parce que j'étais une machine. Loin de là. Là, il y avait toute l'équipe de France qui était bien au-dessus de moi. Mais j'ai eu la chance de faire des compétitions dans d'autres pays avec des machines de guerre, et j'y allais pas pour gagner, j'y allais pour avoir de l'expérience, connaître d'autres patineurs, et puis faire du ken, quoi, faire du ken entre les plots dans un autre pays. Puis je m'entraînais souvent avec des gars qui étaient eux aussi en équipe de France, du coup, ça me motivait, ça me donnait un petit peu aussi une rigueur d'entraînement. Parce que quand tu patines tout seul, c'est assez difficile. Donc j'allais voir mes amis qui étaient beaucoup plus forts que moi. Ouais. Ok, je vais te laisser continuer ton histoire. Et donc là, je suis en hangar, je développe roule, et je développe aussi mes petits projets à la fédération française, enfin à la ligue plutôt. Et au hangar, donc ça faisait 3 ans que j'y étais, et c'était la fin de mon contrat d'avenir. Et un peu avant, en fait, sur les contrats d'avenir, t'es obligé, enfin la structure d'accueil est obligée de te former. Et moi, entre-temps, bon, ils m'ont fait passer un SIAP. Tu parlais de SIAP tout à l'heure, c'est les secours incendie là. Oui. Mais c'était pas du tout le diplôme que je voulais faire en fait. C'est que, enfin, ils m'orientaient vers ce diplôme-là, mais bon, bah, je l'ai passé, je l'ai eu, c'est très bien, mais j'ai pas pris de la plus-value dans mon encadrement, quoi, grâce à ça. Et je suis monté dans le bureau un jour, j'ai fait, bon, bah, moi, ce que je voudrais, avant d'avoir la fin du contrat là, je voudrais me former en DE. Enfin, me former au DEGEPS. Donc le DEGEPS, c'est un bac plus 2 dans le roller, qui est axé sur de la performance, enfin en tout cas des méthodes d'entraînement qui est plus comment dire, elles sont, enfin en tout cas tu es vraiment expert dans cette discipline-là et tu vois plusieurs facettes du roller, et notamment l'entraînement au niveau, comment les accompagner sur le plan physique, technique, psychologique, etc. Puis on voit de la physio, de la natte, comme dans des vraies études de sport, quoi. Donc ils ont accepté ma demande, j'ai fait ce DEGEPS là pendant 1 an et demi. Ouais, c'est un diplôme qui a duré un petit peu longtemps, en alternance du coup avec le hangar. Et donc là, j'ai eu la chance de, avec la ligue, de monter un projet d'équipe régionale, où le but en fait c'était de créer un projet avec ce DE là, donc qui était axé sur du haut niveau. Et le but, c'était de prendre un peu des têtes montantes dans le freestyle et de les entraîner pendant 1 an. Et puis de faire un bilan de ce projet-là. Et puis c'était mon projet de fin d'année de DEGEPS. Donc et donc j'ai monté ce projet-là. J'ai sélectionné des petits gars et des jeunes filles pour les entraîner pendant 1 an. Et ce qui était marrant, c'est que j'avais des gens qui étaient plus forts que moi, quoi, dans Mais cette équipe, dans cette oui, mais équipe-là. après, c'est pas, enfin, on trouvera toujours plus fort que soi. Et un entraîneur, c'est comme tu dis, le DEGEPS, c'est aussi, tu vas être coach mental, tu vas leur dire comment manger, tu vas leur dire, enfin, c'est pas, on n'est pas obligé de montrer quelque chose qu'on sait faire pour que la personne le reproduise. Déjà, chacun aura son style. Donc, c'est pas parce que les gens sont plus forts que toi que tu n'as rien à leur apprendre. C'est là où je Exactement. veux en venir. Ouais, exactement. En fait, grâce à justement ce diplôme-là, on t'apprend à les accompagner sous différentes formes. En fait, eux sont techniciens et nous, on les oriente vers leur. On a aussi un œil d'analyste, c'est-à-dire qu'on essaie de déceler leurs points faibles, ou alors de les mettre en dehors de leur zone de confort. Et pour les rendre plus forts, plus forts techniquement, mais aussi mentalement. Et donc, même s'ils sont plus forts que nous, on a pour moi le rôle d'être bienveillant et de les accompagner en dehors de leur zone de confort, ouais. Pour les rendre plus forts. Et donc, Exactement. j'ai développé enfin, en tout cas, j'ai continué sur ce projet-là, et ça a super bien marché. En tout cas, ils étaient super contents d'avoir un coach pour eux, parce que dans notre discipline, en fait, on n'a pas tous les moyens qu'il y a d'autres, enfin, qui ont d'autres patineurs, c'est-à-dire que par exemple en course ils ont des pôles un peu partout en France pour avoir des coachs qui soient spécialistes dans cette discipline-là. Bah c'est une chance. Enfin moi j'aurais bien voulu un coach. Je les ai accompagnés ouais pendant un an et ils étaient super contents parce qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient pas au niveau de l'équipe de France qui était vraiment à l'entrée pour évoluer. Et le fait de aussi, même sans coach, de patiner avec des personnes qui étaient en équipe de France, bah ça les a motivés, ça les a fait progresser, même en dehors de ma position de coach quoi. Donc ils ont super bien taffé et c'est cool. Je l'ai fait une deuxième année. Avec une chorégraphe, une amie à moi qui est chorégraphe, et ça a apporté vraiment une plus-value dans le sens artistique parce que je me suis entouré de, moi j'avais mon œil d'expert dans le slalom, mais il me fallait un œil d'expert dans un autre domaine parce que le slalom c'est de la danse, donc je voulais allier de la danse, enfin, en tout cas cet aspect chorégraphique. Et là, ça a encore, enfin, ça a été hallucinant la transformation et puis les billes qu'ils ont eues par rapport à cette fille-là. Et à la suite de ça, ils ont tous été sélectionnés en équipe de France à la suite de cet accompagnement-là. Donc, Ah ouais, donc là c'est réussite pour toi, je suppose. ouais, mais je suis pas, je pense que en fait ça a été un tout. Le fait qu'ils soient rassurés d'avoir un coach, le fait aussi qu'ils aient une dimension artistique, le fait qu'ils soient ensemble, le fait qu'il y ait une émulation de groupe et des objectifs communs, et ben tout ça a fait que ça les a motivés et ça les a vraiment ça a insufflé une dynamique de groupe quoi. Ouais, alors ça a insufflé une dynamique de groupe parce que toi, au début, c'était juste je les entraîne et il n'y avait pas d'objectif ou il y avait des objectifs pour certains ou pas. Alors, je suis jamais. Je me place quand j'ai un groupe, surtout le groupe haut niveau, quand j'ai un groupe qui est vraiment confirmé, je prends jamais leurs décisions à leur place. Ce qui se passe, c'est que au tout début, je leur dis, on va avoir un objectif ensemble, un objectif réalisable. Et pour ça, eh bien, on va parler. On va se dire, ok, toi, c'est quoi tes objectifs? Ok, toi, comment tu te vois? Et on va voir ensemble si c'est réalisable ou pas. Réalisable en termes d'objectifs, si jamais on peut tenir ces l'échéancier, si jamais l'objectif est trop haut ou alors il est trop bas, parce qu'il y a aussi des personnes qui se dévalorisent en fait. Donc Oui. je prends jamais, je donne jamais des objectifs. C'est toujours au cours d'une discussion et d'un échange qu'on va déterminer ces objectifs-là. Alors, autre chose, c'est-à-dire que là, tu avais des personnes, je suppose, qui étaient motivées pour apprendre. Je pense qu'avec Roule, tu dois avoir des groupes où tu as plein de personnes qu'on n'ont un peu rien à faire du roller. Donc Ouais. ça va pas être le même comment s'appelle la même façon pour enseigner. Ouais. Est-ce que tu préfères l'une ou l'autre en fait? Enseigner de manière ludique à des personnes qui font là vraiment pour du divertissement ou enseigner de manière professionnelle pour des personnes qui sont là pour progresser? Pour moi, dans les deux cas, c'est une attitude professionnelle. C'est-à-dire que le boulot, en fait, je dis souvent que le fait d'enseigner à haut niveau et le fait de faire des initiations pour des personnes qui ne savent pas rouler, c'est la même difficulté. Parce Ah. que c'est pas une question de niveau. En fait, quand tu t'apprends à petit niveau de l'initiation, il faut que toi, ton attitude, elle soit et soit bienveillante. Il faut que tu recherches des activités qui va être pertinent et qui va être intéressante. Donc c'est ce qui est dur dans le roller quand tu prépares quand tu donnes des cours, c'est ta recherche en amont, ce que tu vas faire. Et c'est ça qui est dur. Je reviendrai un petit peu sur ce qui est le plus dur en fait en tant qu'éducateur, mais en tout cas c'est le même travail. Ça te prend, je dirais, autant d'énergie d'apprendre un petit niveau, parce que faut que tu sois là, faut que tu regardes, faut que tu aies aussi de l'analyse, faut que tu sois un petit peu partout à la fois, mais c'est là, pour moi c'est aussi dur. C'est aussi dur d'apprendre l'initiation. Et tu préfères lequel entre les... Enfin, tu n'as pas de préférence entre les deux? Je pense que j'aurais quand même une préférence d'apprendre à des confirmés. J'adore hein, faire l'initiation. J'adore Oui, parce ah ben. que il y a des. Enfin, c'est pas la même attitude, mais sur des confirmés, je sais pas, il y a plus de. Je sais pas, plus de recherche. Parce qu'à la longue, quand tu fais de l'école de patinage, tu as quand même beaucoup d'automatisme. Quand tu fais. Je trouve ça intéressant d'apprendre à déconfirmer, parce que ça t'apprend aussi toi. Ça te pose aussi beaucoup de questions que tu ne serais jamais posées. Alors que l'école de patinage, enfin, comme je te disais, je fais 80% ça, donc il y a moins de cet effet de surprise. Mais sur des confirmés, il y a plus de. Ah ouais, attends, tu me poses un doute là, mais comment tu fais? Tu te places à la place du patineur. Des fois, c'est des patineurs qui t'apprennent des choses. Donc, ouais, j'ai une petite préférence pour les confirmés. D'accord. Ok. Donc ouais, donc t'as renouvelé, tu me disais, une deuxième année avec une chorégraphe. Ouais. Et ensuite, donc qu'est-ce qui se passe pour le hangar? T'arrives à la fin des périodes de 3 ans là, que enfin vas-y, continue. Ouais, j'ai du coup j'ai eu mon DEGEPS Ah oui. et j'ai du coup j'arrive à la fin de mon contrat, et mon patron me convoque, et du coup bon, il souhaite continuer avec moi, il souhaite me proposer un poste, du coup c'est encore à mi-temps ou hangar, toujours à 24 heures et tout ça, donc un CDI dans ce cas, enfin dans ce cas-là. Et donc j'ai accepté le CDI. Moi, j'ai négocié un petit peu mon salaire vu que j'avais mon DEGEPS. Et du coup j'ai accepté ce 24 heures-là, ouais. Et donc j'avais encore mes missions. J'entraînais le freestyle, les rampes, etc. Et puis j'avais toujours mon entreprise à côté. Et puis quelques années après, en fait, j'ai demandé à avoir un mi-temps, donc un 17 heures, donc vraiment le mi-temps des 35 heures, pour pouvoir encore plus développer Roule, parce que bah, Roule, ça grossissait. J'avais de plus en plus de demandes de stage. J'avais des demandes de cours aussi. Donc Roule s'exportait, et puis j'avais envie de développer ça, quoi. Et donc aujourd'hui je continue à travailler 17 heures au hangar. Je continue à développer Roule. J'ai arrêté la ligue il y a quelques mois. Et puis je me suis mis à un autre métier qui a rien à voir avec le roller cette année. Ah, c'est quoi? En fait, pendant le premier confinement, je me suis dit, bon, je ferai pas du roller toute ma vie. Enfin, en tout cas, peut-être pas, qui sait, mais j'avais envie de développer, en tout cas de découvrir une autre compétence, donc dans le social aussi. Et je voulais découvrir les facettes d'éducateurs spécialisés dans les foyers. D'accord. Donc j'ai mais juste découvrir, quoi. C'était juste une ou 2 journées. Et donc j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV de roller, Mmh. Et donc, ils m'ont appelé quelques jours après pour une période d'essai de 2 jours. Et aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de m'appeler. Ah, Et non, non, c'est cool. Donc là, et j'ai trois casquettes à nouveau. trois, ouais. Et là, par contre, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a forcé à faire ça ou c'est toi qui t'es... Non, je voulais. Ça fait un petit moment que je voulais découvrir un petit peu ce métier-là, voir comment ça se passait, parce que je trouvais mon histoire de roller assez cool, et le fait que ça soit des gens qui m'aident à réaliser un petit peu c'était pas un rêve, mais en tout cas réaliser ce que je pensais impensable. Et je me suis dit, j'adore le social. J'adore les gens, et je vais m'orienter dans le, enfin en tout cas je vais découvrir un petit peu un autre métier dans le social. Et j'ai voulu tester ça. J'avais des amis qui étaient éducateurs, du coup ils m'ont pas mal parlé de ce métier-là. Et j'ai testé et j'ai trop kiffé. Eh ben c'est C'est mon cool, job. c'est... Je suis pas du tout de roller, mais c'est cool. Ah bah oui, mais après, peut-être que tu vas en mettre... Tu dois quand même en parler, je suppose, de temps en temps, vu que c'est ta vie. Ouais, en fait, je suis intervenu dans un foyer avec mon camion d'entreprise roule, et forcément il y a les logos, il y a l'Instagram, les jeunes ils sont à fond Keblo sur Instagram, donc ouais, ça a fait le tour un peu, ouais, ça a fait le tour un peu. Alors une question que je voulais te poser là, c'est donc éducateur, enfin donc être professionnel en roller, est-ce que c'est une bonne situation? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? Eh ben, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on me demande mon métier, je dis que je suis prof de patin roulette. On me dit, je pense que c'est la question qui vient dans la tête des gens après. Alors, je pense que dans tous les cas, au début, c'est pas facile de faire ce métier-là. Donc, je parlerai pas d'une bonne situation, en tout cas financière. Mais en tout cas, c'est une expérience humaine riche, et je pense que c'est une bonne situation sociale. Pas forcément financière au début. Après, moi, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de chance au début. J'ai eu très très vite une sécurité financière avec le hangar. J'ai eu roule, j'ai eu des personnes de confiance et qui étaient quand même renommées dans le milieu. Donc j'ai jamais été en mauvaise posture financière, mais parce que aussi en amont, je me suis construit mon réseau. Donc j'ai jamais été en mauvaise situation financière. Mais je peux comprendre que c'est en tout cas un pari. Et je peux comprendre que être prof de patin roulette dans la tête des gens, on est saltimbanque un peu. L'intermittent du spectacle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, toi, tu l'as fait. Ça a jamais été. Enfin, tu t'es pas dit en étant enfant, plus tard, je ferai prof de roller. C'est que au fur et à mesure de ta vie, ça s'est fait comme ça, quoi, en fait. Exactement, j'ai jamais été carriériste. En vrai, je me Ouais. suis jamais dit, je vais faire ça et mon but c'est d'aller là. Je prends beaucoup de plaisir à évoluer en tant que compétiteur et en tant que et dans le milieu professionnel. Et en fait, c'est des opportunités à chaque fois qui m'ont amené à progresser et à côtoyer des personnes. Au plus haut niveau, tant au niveau de la pratique, mais au niveau aussi de l'enseignement. Et je suis plutôt opportuniste que carriériste. Et donc tu vas faire du roller jusqu'à quel âge? Oh, je pense que j'arrêterai jamais le roller. Enfin, en tout cas, de patiner. Parce que je pense que c'est quelque chose qui, ouais, ça se perd, mais Ma technique, elle va se perdre, mais la sensation d'être sur les rollers, ouais, je pense que je perdrai pas, à moins que j'ai des problèmes de genoux et que j'ai des incapacités à faire du roller, mais ouais, je pense que j'arrêterai. Je ferai une pause certainement, une longue pause si je fais un autre sport, etc. Mais j'arrêterai jamais. Ok. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton métier dans Roule? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu interviens dans des écoles ou ouais, c'est ça en fait ce que tu me disais. Et Ouais. qui te demande? Qui te missionne? Alors, je bosse principalement avec des assos, donc des clubs, hein, des clubs de rollers. Je fais donc c'est des assos qui sont des clubs de freestyle, par exemple, des sections de clubs de freestyle qui me demandent de faire beaucoup de stages, de 1 à 2 journées de slalom. Je fais aussi des cours de randonnée. Je fais des cours de randonnée pour. Oula, allô? Ouh là là, là je ne t'entends plus du tout. Je sais pas si t'as débranché quelque chose ou autre, je ne t'entends absolument pas. Et je vais te rappeler, je sais pas si tu m'entends, moi j'enregistre et je te rappelle dans la foulée. Tu m'entends? Ah là c'est. On est reparti. Ah, super. Et je crois qu'on peut y retourner. Alors, on en était où? On était à la. Qu'est-ce que je faisais avec Roule? Et Oui, voilà. qui m'emploie? Donc, Dans les clubs, là, tu me disais de pour faire des cours de randonnée. On en était là aux cours de randonnée. je fais des cours de randonnée avec des adultes. Je fais aussi de l'initiation avec des pitchouns, des jeunes, des enfants. Et je fais aussi du baby roller aussi. Du baby roller, donc ça c'est des cours qui sont réguliers toutes les semaines Oui. avec une asso. Alors, qui fournit le matériel? C'est ça, si. Alors, les groupes de randonneurs, ils ont tous leur matériel. Après, moi j'ai une grosse caisse que je me suis construit depuis ces 8 années là, que du matériel pédagogique. Et donc le matériel de pédagogique, c'est moi qui les amène. Et après, ils ont chacun leur matériel. En général, dans les assos, ils ont leur matériel. Après, j'ai un parc de patins aussi que je peux prêter si jamais. Parce que tu verras qu'avec Roule, je fais aussi d'autres choses. Mais en tout cas, dans les assos, généralement, et notamment dans les clubs, quand je fais des cours de freestyle, des stages de freestyle, bah, généralement c'est des patins, enfin c'est des patineurs qui ont leur matériel, qui savent patiner, etc. Donc bon, ils ont leur matériel. Et donc Ouais, ben. Alors bah vas-y, dis, tu disais que tu faisais d'autres choses encore avec Roule? ouais, j'interviens aussi pour la ville de Nantes. Donc là, je vais dans les écoles faire des temps périscolaires. Donc là, c'est pareil, j'emmène mon parc de patins. Eux, ils n'ont pas leur matériel, par contre. Donc, je leur prête des patins, des protections, des genouillères, et puis tout ça. Donc, ça dure. Je fais ça aussi toute la semaine, là, presque tous les jours, Oui. en parallèle de Roule. Et puis aussi, j'interviens pour d'autres structures. Je travaille avec des structures d'autisme. J'ai travaillé avec toutes sortes de déficiences. Donc c'est un autre public en fait, c'est tout âge, tout niveau et tout public. Ouais, et donc bah faut que ça à chaque fois que tu arrives à t'adapter à ton public. Et tu prépares des Ah choses bah. spécifiques pour le public ou c'est une fois que t'es dessus, que tu vois comment Ah ça se non. passe que. Je fais pas ça à l'arrache. Voilà, aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Non, non, je prépare toujours mes cours. Tous mes cours sont différents. C'est-à-dire que à chaque fois, j'essaie de d'innover, d'inventer des jeux. Quand je disais, tous mes cours sont différents, donc À chaque fois, j'apporte des choses nouvelles, donc je suis obligé de le préparer. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait que je m'adapte. Bah, il faut de toute façon s'adapter à son public parce que ils ont pas tous les mêmes capacités aussi mentales. Quand tu fais du baby roller ou tu fais des adultes, c'est deux publics différents. Quand tu travailles avec des autistes aussi. Quand tu travailles avec des enfants et des ados ou des enfants, enfin c'est totalement différent. Donc à chaque fois, mes cours sont adaptés et à chaque fois mes cours sont nouveaux. Et alors, tu mets combien de temps à préparer un cours en fait? Et qui, mettons, un cours, c'est quoi? C'est 1 heure ou 2 heures, je suppose, Ouais. généralement? Combien de temps ça varie? Et ça varie en fonction du niveau. En fait, c'est vraiment aléatoire parce que la recherche de nouveaux jeux me prend pas mal de temps. Moi, je dirais minimum, ça me prend minimum une demi-heure, trois quarts d'heure pour préparer un cours d'une heure et demie. Minimum. D'accord. Mais après, ça peut être plus que ça. Par exemple, si j'ai des supports à créer, des supports, par exemple, si j'ai des outils à faire, etc. Bah, l'outil, je vais le faire. Je vais peut-être avoir 2 heures de préparation et l'outil, ils vont peut-être s'en servir que une demi-heure, tu vois. Oui, c'est ça en fait, la rentabilité n'est pas c'est pas Ah top top non, non. quoi. Non, non, non. Après, c'est complètement aléatoire en fait. Ça peut vraiment varier en fonction aussi de tes idées. Parce que des fois, tu vas pas avoir d'inspiration, ça va te prendre plus de temps. Des fois, tu vas avoir des inspirations et tu vas créer des choses en deux-deux quoi. Ouais. Je me Et suis vu alors. créer des jeux en 15 minutes quoi. Et est-ce que tu suis les personnes sur le long terme avec Rule ou enfin sur le long terme plusieurs fois de suite ou c'est souvent du one shot? Alors, le plus souvent, c'est après ça dépend hein, parce que tu sais j'ai des prestations qui sont régulières donc toutes les semaines donc oui là ça va être du long terme Mais ce sont les après quand mêmes je fais des personnes, les mêmes patineurs qui reviennent et qui ouais apprennent ou... ouais à chaque fois c'est moi mon groupe de randonnée par exemple si je prends l'exemple des adultes là c'est les mêmes adultes qui reviennent toutes les semaines pour apprendre le patinage quoi. Donc au fil du temps ça fait d'autres choses mais il y a des nouveaux qui viennent, il y a des anciens qui partent. Et quand je fais des prestations ponctuelles, donc quand je fais des stages, bah souvent je retrouve un petit peu les mêmes parce que tout le monde se connaît. Après c'est un peu plus espacé. Là j'ai un exemple quand j'ai commencé à enseigner donc dans le club où je te parlais de l'école de patinage, ma première année, j'ai appris à patiner à un patineur qui s'appelle Titouan de Galassus. S'il Oui. m'entend, big up. Et lui je fais trois stages à l'année aux Intrépides d'Angers donc à Angers. Et je le vois à toutes les sessions, quoi. Bah, Tous c'est les cool. stages. C'est cool de voir que les gens sont motivés et reviennent, quoi. Ça doit être gratifiant. Ça veut dire que je suis pas trop mauvais. Voilà. Non, puis mon principal objectif, c'est d'amener, comme je disais, de la joie, de la bonne humeur et tout ça. Donc quand cet objectif-là, il est rempli et que les gens progressent, ils ont appris au moins quelque chose, bah c'est pour moi la réussite quoi. Ouais. Alors, bah, justement, ça, je pense que c'est un des bons côtés de ton métier. Et donc, est-ce que tu as d'autres bons côtés? Et puis, quels sont les mauvais côtés de ton métier? Le bon côté, c'est l'expérience humaine. Ouais. Moi, je trouve parce que c'est un petit milieu. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'échanges et ça je pense que avant je l'avais pas enfin j'avais pas ce côté un petit peu social Et ça m'a appris à me présenter devant un groupe, ça m'a appris à aller voir les gens, à discuter avec les gens, à avoir une facilité d'échange avec ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment l'expérience humaine. Pour moi, c'est le meilleur côté d'éducateur. Et le mauvais côté, c'est un côté, ça prend énormément d'énergie de préparer les choses. On s'en rend pas compte comme ça, mais quand un éducateur fait bien son travail, et bah l'énergie pour préparer, pour être novateur, tout ça, bah ça c'est un mauvais côté dans le sens où ça te demande, ouais, taquet d'énergie, quoi. Ouais. Et alors quand tu donnes un cours, donc tu mets de l'énergie, et est-ce que quand tu ressors, tu es à plat ou tu es reboosté à fond? Ou Ah, ça je suis dépend. à plat. Je suis à plat. T'es à plat, ouais. Ouais, je suis normalement si, enfin, quand je suis, parce que on est tout, je suis tout le temps à 100%. Il y a pas vraiment de pause quand je fais mon cours. Et je suis tout le temps aux aguets, tout le temps, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit dans la joie, il faut que je prenne, enfin, soin de tout le monde, que j'analyse et tout. Donc, je suis tout le temps à 100%, et quand je fais un cours d'une heure et demie et que ça redescend, oh, c'est, il me faut une pause. Il me faut une pause pour reprendre un petit peu d'énergie. Et encore pire, quand je fais des stages de deux, voire 3 jours, des fois, là, je termine, je suis sur les rotules. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux me... Tu m'as dit que tu avais du matériel pédagogique. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et puis me donner des exemples concrets de comment tu fais des exercices avec? Alors, il y a tout le matériel, je dirais, de base, c'est-à-dire les plots, les coupelles, les jalons, les cerceaux. Bon, ça, c'est tout le matériel de base. Et après, t'as d'autres matériels pédagogiques qui servent pour tes cours, c'est-à-dire, tu vois, des pouettes-pouettes, un rouleau de PQ. J'ai une grosse boîte, en fait, on dirait une boîte à magie, où j'ai plein plein plein plein plein de choses, plein de jouets. Je me suis fabriqué des dés, je me suis fabriqué plein de choses qui vont plein d'outils qui vont amener le ludique, qui vont amener à progresser. Enfin, tu vois, t'as des grilles d'auto-évaluation, j'ai plein de choses comme ça qui fait pas partie du matériel classique, mais qui amène du plaisir, qui amène de la progression. D'accord. Moi, quand j'ai passé un diplôme aussi pour encadrer des séances de sport, et je me souviens de deux, trois conseils. Le premier, c'est être habillé d'une manière différente des personnes à qui tu enseignes. Et l'autre, c'était toujours avoir le soleil dans les yeux. Pour pas que les Ok. personnes qui t'écoutent aient le soleil, enfin, pour que ce soit toi qui sois, parce que si les personnes qui t'écoutent ont le soleil dans les yeux, ben, ils vont pas t'écouter en fait. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, à nous donner de ce genre-là? Ah, c'est intéressant. C'est plus de, ouais, c'est des techniques d'animation, mais c'est vrai que il faut se. Alors déjà, il faut avoir une posture professionnelle, c'est-à-dire, bah, tu parlais de tenue vestimentaire, ouais, il faut être pro. C'est-à-dire que il faut être propre sur toi. Il faut que les gens te perçoivent comme le professionnel. Donc sur ta posture, sur comment tu mènes le cours, comment tu t'organises, etc. L'organisation est super importante. Et il faut que les gens puissent s'amuser, donc avoir une attitude joyeuse. Moi, des fois, je me déguise ou je vanne des gens. Enfin, en tout cas, ta posture, elle change suivant aussi ton public. Par exemple, les enfants, je me place en tant que guide. C'est-à-dire que on va faire ça, on va faire ce jeu-là, etc. Je suis plus directeur, alors que sur un groupe adulte, je suis plus tourné sur de l'autodérision. C'est-à-dire que j'hésite pas, tu vois, à me moquer de moi ou à vanner les autres. Ouais, c'est. Puis le matériel aussi, enfin tu vois, le fait, je parlais de déguisement, le fait je sais pas, de mettre une perruque ou alors de créer une ambiance, tu vois, de fabuler. Alors aujourd'hui, on est serveur, on est dans un restaurant, on va servir les clients. Et tu vois, c'est raconter un petit peu un environnement, enfin de fabuler. Fabuler, c'est créer un univers. Donc ça, c'est une petite technique que je peux donner, tu vois. Ok, bon, on va arriver vers la fin de l'interview. Donc j'ai encore des petites questions rapides à te poser. Comment est-ce que tu penses que les autres personnes, donc les politiques ou n'importe qui, une personne lambda qu'on croise dans la rue, perçoit le roller? Je pense que c'est avant tout un moyen de déplacement c'est pas perçu en tant que sport. Je pense que c'est un outil ludique pour eux. Je pense qu'ils le perçoivent pas en tant que sport. Ouais, c'est vraiment un outil. Enfin, c'est ludique. Ok, Ouais. d'accord. Quels sont tes objectifs à proche et à court terme, et à long terme, pardon, en roller? Comme je te disais, en fait, moi, je suis pas carriériste. Je prends vraiment plaisir à évoluer dans les deux domaines, donc j'ai pas forcément d'objectif. Je referai des compétitions. Oui. Je continuerai mon métier. Mon objectif, c'est aussi de créer des projets avec Roule, de le faire découvrir ma discipline au plus grand nombre. Mais j'ai pas d'objectif. Par exemple, je vais pas dire je veux être sélectionné en équipe de France ou alors je veux être champion de roller. Ouais, c'est pas mon objectif. J'ai pas d'objectif. D'accord, ok. Alors les deux questions qui vont de pair là, quelle est la question que l'on te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre? Et puis à l'inverse, quelle est la question que l'on ne te pose jamais et que tu aimerais bien qu'on te pose? En marre de répondre, c'est le fait de est-ce que c'est une bonne situation? Parce que bon, c'est avant tout une expérience humaine et puis c'est un métier passion. Donc bon, allez, c'est moi qui fais. Laissez-moi kiffer. Enfin, c'est pas je cherche pas à gagner beaucoup beaucoup d'argent. Je vis très bien avec le roller et ouais, je cherche avant tout à continuer de kiffer d'apprendre le roller, en fait. Ok. Et Et donc l'autre là. question, je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on pose? Bon, quelque chose qu'on Bon, n'a pas abordé dans nos discussions et que tu aurais envie de dire, tout simplement. je vois pas. Ah, bah, on a fait le Peut-être tour, c'est parfait. peut-être ouais. Peut-être parler aussi des gens qui m'ont parce que c'est le Oui. cœur de mon aventure, c'est parler des gens qui m'ont aidé. Et parce que c'est des belles personnes. Et Et bah, si tu as envie de remercier des personnes, tu peux le faire maintenant. je remercie avant tout Thierry Ménard et Pierre Sella, qui ont été vraiment de pair dans cette aventure, ces deux personnes formidables et qui m'ont vraiment aidé à me pousser puis à voyager à travers le roller, à avoir d'autres réflexions, à m'apporter plein plein plein de choses, mon expertise. Donc c'est vraiment ces deux personnes-là qui m'ont beaucoup aidé. Ok, puis bon, dernière question. Est-ce que tu as une astuce pour les rollers, préparation du matériel, nourriture ou n'importe quoi? Bah dans le slalom freestyle, Il faut avoir un bon matériel, c'est-à-dire avant tout des patins rigides avec une coque qui se déforme pas. Ça, c'est super important parce que il y a des figures de slalom sont quand même très exigeantes au niveau de la maniabilité. Si on a une coque qui se déforme, bah ça va pas aller. Après, il faut une platine courte, donc la platine c'est ce qui tient les roues. Il faut avoir une platine de 243 si jamais vous mettez des roues de 80 ou 231 si jamais vous roulez en 76 mm. Et puis après, ce qu'il faut absolument aussi c'est un montage banane. Donc Oui. le montage banane c'est les deux roues du milieu touchent le sol et les deux roues à l'extrémité sont un petit peu plus surélevées. Donc ça on peut jouer soit en ayant une platine qui est ce qu'on appelle roquée, donc qui a les axes de roues qui sont déjà un petit peu plus hautes sur les extrémités, ou alors si on n'a pas la chance d'avoir une platine comme ça, on peut rouler avec des roues différentes, c'est-à-dire des roues de 80 au milieu et des roues de 76 aux extrémités, ce qui permet d'avoir une grosse maniabilité du patin. On cherche pas à aller vite, on cherche à être très réactif au niveau des changements de direction, etc. Donc le montage banane permet de tourner assez facilement. Ok, et pour le freestyle, il vaut mieux avoir des rollers qui soient une pointure trop grande ou une pointure trop petite par rapport à ses pieds? Moi, je recommande toujours de choisir sa pointure. Je recommande toujours de choisir sa pointure. Après, moi, je roule avec une pointure en dessous, mais bon, j'ai toujours roulé avec des patins un petit peu petits. Mais tous les patineurs roulent avec leur pointure. D'accord. Ok. Bah, est-ce que tu as encore une dernière chose à ajouter avant qu'on clôture définitivement cet épisode? Eh bien non, je te remercie Philippe en tout cas de m'avoir proposé cette interview. Bah, merci à toi de t'être livré comme ça. Puis voilà, j'espère que d'autres vont suivre derrière toi, que tu vas en inspirer plein d'autres. Ben, Et j'espère, puis, bah j'écouterai voilà. ça. C'est. T'as un Facebook du coup? Alors oui, je suis en train de. J'ai un Facebook, effectivement, qui. Je vais. J'ai une page Facebook surtout, Balade D'accord. Roller. Ok. Je vais être. Donc ça c'est mis en ligne sur Roller en ligne, justement. Ok. Voilà, je pense que ce sera le premier épisode que je vais sortir. Ok. Et la date, c'est le 1er mars, lundi 1er mars, la prévision de sortie. Ok. Bon, bah, Voilà super, hein, je le partagerai truc. ta publication. Ouais, et ben je t'enverrai un petit message quand je le sortirai. Ok, super. En tout cas, je trouve ça vraiment cool l'idée de partager l'expérience des patineurs. Je suis totalement en phase avec toi, en tout cas, Philippe. Ah bah c'est très bien. Et voilà, bah comme je le disais hors antenne, oui, j'ai piqué l'idée de Mathieu Stéphanie, hein, de Génération Do It Yourself, qui a interviewé donc essentiellement des entrepreneurs, mais il a aussi interviewé des politiques, des comment s'appelle des minces des auteurs de romans et quelques anciens sportifs. Notamment Yannick Noah, un des derniers c'est Yannick Noah. Il a fait Ty Chris Ok. aussi. Excellent. Vraiment à écouter tous ces podcasts. Excellent quoi. Ok, donc si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast, n'hésitez pas à nous contacter bah, via la page Facebook de Balade Roller ou sur le site Roller en ligne. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode. Alors je ne sais pas encore comment vous pourrez laisser des commentaires, mais on verra. Parlez de ce podcast à vos amis et faites-les écouter de force vos épisodes préférés. Voilà, pour le moment, c'est le premier, donc ce sera celui-là plusieurs fois. Voilà, c'était Balade au Roller, le podcast de roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs. Cool. Salut les loulous.